Carolomag, numéro 290, septembre 2025. Au sommaire de ce numéro, 2, l'édito de Boris Ravignon. 3, à la une, Festival mondial des théâtres de marionnettes. 4, actualité, rentrée 2025, ce qu'il faut savoir pour bien commencer l'année. Extension des espaces sans tabac. Les 16 et 17 septembre, bienvenue aux étudiants. La passerelle Bayard rouverte à la circulation. Recrutement, une nouvelle plateforme. Chat errant, stérilisation, la bonne solution. Frelon asiatique, signaler les nids. Fermeture partielle de la rue Féroule les dimanches matins. Parc animalier, un spectacle grandeur nature. La ville aux petits soins pour son patrimoine. 5. Rendez-vous. La saison 2025-2026 du théâtre. Exercice urbain pour le 3e RG. Portes ouvertes du 3e RG. Nouvelles des musées, les arts de la marionnette. CCAS, seniors, participez à la semaine bleue. Des chèques cadeaux pour les seniors Carolo. Noël des enfants et des seniors, pensez à vous inscrire. La lecture partout et pour tous. World Cleanup Day, un rendez-vous pour la planète. Marché Carolo à vos agendas. Prenez soin de votre santé, faites-vous dépister. Les journées européennes du patrimoine. Octobre rose, les rendez-vous à ne pas manquer. La grande fête d'automne. Fête de la science. Nuit blanche. 6. Agenda, les dates à retenir. 7. Sport. Les flammes lancent une nouvelle saison pleine de promesses. Charleville, prix prêt pour une belle saison. 78e édition du prix de Mézières. 105e édition du Sedan Charleville. Agenda sportif. 8. Histoire, la fondation d'un lycée de jeunes filles à Charleville, le lycée Sévigné. 9. Expression politique, la libre expression des groupes politiques. 2. Édito, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Un été chaud. Comme tous les deux ans, grâce à la succession en l'espace de quelques semaines du Cabaret Vert et du Festival mondial des théâtres de marionnettes, l'été qui s'achève se sera montré particulièrement festif, drainant vers notre belle ville des centaines de milliers de visiteurs. Merci une nouvelle fois à tous ceux qui permettent ainsi d'améliorer de manière régulière l'attractivité carolo-massérienne. Mais depuis juin, l'actualité locale ne s'est pas simplement résumée à une succession de rendez-vous culturels, aussi populaires soient-ils. Nous avons effectivement eu le plaisir de rouvrir à la circulation la passerelle Bayard, désormais dotée de 2 encorbellements qui permettent aux piétons et cyclistes de l'emprunter en toute sécurité. À quelques centaines de mètres, un autre chantier s'est ouvert, certainement le plus spectaculaire que notre ville ait connu depuis des décennies, celui de la basilique, dont le clocher donnait d'inquiétants signes d'instabilité. Et je n'oublie pas la rénovation des équipements sportifs de la Ronde Couture et Manchester. Mais ce rapide tour d'horizon ne serait pas complet sans évoquer d'autres événements qui, bien que d'une nature moins plaisante, ont eux aussi marqué l'actualité locale récente. Je pense notamment aux actes de délinquance inacceptables commis à La Houillère autour du 14 juillet. Incendie de véhicules, agression contre les forces de l'ordre, multiples troubles à l'ordre public. Je veux me montrer ici très clair. Après des décennies de laisser-aller, notre ville remonte enfin la pente. Tant que je serai maire, je ne laisserai jamais une poignée de dealers instaurer des zones de non-droit dans aucun quartier de notre ville. Ils me trouveront systématiquement sur leur chemin. Ceci étant dit, excellente rentrée à toutes et à tous. Attention, la date de la prochaine séance du conseil municipal à l'hôtel de ville de Mézières a changé. Rendez-vous jeudi 25 septembre 2025 à 18h30. 3. À la une. Festival mondial des théâtres de marionnettes. Bienvenue aux marionnettes. Du 19 au 28 septembre, Charleville-Mézières accueille la 23e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Une parenthèse enchantée durant laquelle des dizaines de milliers d'amateurs vont pouvoir s'enthousiasmer devant les créations les plus récentes d'un art vieux comme le monde. Mode d'emploi. Avec le Cabaret Vert et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, FMTM, notre ville a la chance d'héberger les deux principaux événements culturels de la région Grand Est. Tous les deux ans, en septembre, la ville de Charleville-Mézières devient incontestablement la capitale mondiale de la marionnette. Créateurs et spectateurs viennent de tous les continents pour partager autour de ces petits comédiens de chiffon. Entre le in, le off en salle, le off de rue, découvrez toutes les propositions artistiques proposées pendant les 10 jours du festival. Le in. Proposé par le pôle international de la marionnette Jacques Félix, du nom d'un marionnettiste Carolo Massarien, créateur du festival, c'est le cœur du FMTM. Un peu comme le constituent à Cannes les films sélectionnés en compétition. Son affiche annonce 80 spectacles proposés par autant de créateurs venus de 23 pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, lesquels vont investir dans toutes les salles de spectacle de la ville, sans exception, et quelques autres lieux plus improbables pour révéler les 430 représentations. Les tarifs d'entrée au spectacle varient de 9 euros à 21 euros. On ne saurait trop vous recommander de réserver le plus vite possible. Si vous souhaitez assister à plusieurs spectacles, l'option Mario Kart vous permettra de réaliser des économies. Le off en salle. Le off en salle, il existe également celui de rue, est pris en charge par l'équipe de la MCL Mabohème, dont la salle de spectacle en constitue le navire amiral. Mais vous retrouverez également des marionnettes dans les centres sociaux de Manchester, de la Ronde Couture et André d'Hôtel. Près de 55 compagnies sont mises à contribution pour un total de 220 représentations et un focus, revendiqué par les organisateurs, sur les marionnettistes canadiens. Le tarif unique pour les représentations a été fixé à 3 euros. Les billets sont à retirer sur chaque lieu de spectacle, la veille, à partir de 12h30. Le off de rue. Depuis 2019, c'est la ville qui se trouve aux manettes des spectacles donnés sur la voie publique, avec à la clé un vrai succès populaire. En 2021, pour raisons sanitaires, on a pu comptabiliser le nombre de spectateurs. Le total a atteint les 100 000. Trois sites vont drainer la foule. L'île du Vieux-Moulin, le Mont Olympe et le parc Pierquin. Ces lieux seront animés durant tout le festival par des collectifs rassemblant une vingtaine de compagnies. Chacun de ces sites est équipé d'une buvette et d'un espace de restauration. Formant 3 villages dans la ville, chaque lieu présentera sa marque de fabrique, son ambiance propre. La billetterie est libre, vous donnez ce que vous souhaitez. Touche du bois sur l'île du Vieux-Moulin. Ce collectif chevronné, les artistes qu'il rassemble vont participer à leur 4e édition du FMTM, joue sur un registre dans lequel il excelle, par essence familiale, avec des marionnettes traditionnelles. Tadam au Mont Olympe. Installé entre le centre aquatique et le camping, le collectif Tadam investit avec créativité le principal poumon vert Carolo Massarien. Au programme de ces marionnettistes venus principalement des Hauts-de-France, des spectacles notamment orientés vers un jeune public. Macral au parc Pierquin. Parc qui, du coup, est d'autorité rebaptisé Pierkoff. Pour les festivaliers d'expérience, Macral est le nom donné à ce nouveau collectif ardennais qui se veut un espace bouillonnant et inclusif où se mêleront spectacles vivants, performances, concerts, ce qui promet. Aux côtés de ces 3 sites principaux, la ville a également prévu l'animation des rues grâce à la présence de près de 80 compagnies qui donneront plus de 500 représentations dans le centre de Charleville. Place du Cal, Place Churchill, Parvis du Théâtre, rue piétonne. 2 focus à noter. 5 compagnies picardes animeront le parvis devant le cinéma, tandis que du 19 au 21, ce sont des marionnettistes néerlandais qui occuperont la place Churchill. 2 chiffres enfin, plus de la moitié des artistes proposés dans nos rues seront étrangers. La ville a reçu près de 150 candidatures pour 80 places. Les marionnettes débarquent à Mézières. C'est la nouveauté de cette édition 2025. Traditionnellement installées dans les rues de Charleville, les marionnettes vont, à l'invitation de la ville, lancer une offensive remarquée en direction de Mézières et investiront à cet effet la vaste place de l'hôtel de ville. Le cirque dans les étoiles, venu de la région parisienne, qui va y planter son chapiteau pour proposer chaque jour plusieurs spectacles, notamment en direction du public scolaire, ainsi que son étonnant et indescriptible cabinet de curiosités, par avance l'une des attractions phares de ce millésime 2025. Les visites marionnettiques de l'Office. À l'occasion du festival, l'Office de tourisme Charleville-Sedan proposera des visites guidées marionnettiques. Elles sont créées en collaboration avec l'Office, le Pôle international de la marionnette, ainsi que deux artistes formés à l'ESNAM, École nationale supérieure des arts de la marionnette, Raphaël Dupuis et Louana Montabonnel. Le départ est fixé devant l'Office de tourisme, 24 place Ducale. Les dates, samedi 20 et 27, mardi 23 et mercredi 24 septembre à 10h. Le tarif plein est de 14 €, le tarif réduit de 10 €. Réservation au 03 24 55 69 90 ou sur charleville-sedan-tourisme.fr ou bien encore à l'accueil de l'Office de tourisme 24 place Ducale. Un investissement de 900 000 euros pour la ville. La ville de Charleville-Mézières apporte au FMTM un soutien financier, technique, logistique et matériel. Entre le IN et l'organisation du OFF, le festival représente un investissement proche de 900 000 euros. Conseils et infos pratiques. L'appli FMTM. Pour profiter pleinement de cette 23e édition du festival, pensez à télécharger l'application FMTM disponible sur Apple Store ou Google Play. Celle-ci est entièrement gratuite. Vous y trouverez une billetterie en ligne avec les tarifs et les réservations, les informations nécessaires sur les spectacles proposés par le IN et le OFF, à commencer par les lieux, dates et heures, et même l'emplacement des toilettes publiques. Disponibles également des rubriques pratico-pratiques, les transports, les lieux d'hébergement, l'accessibilité PMR, sans oublier un plan de Charleville-Mézières sur lequel figurent tous les lieux de rendez-vous répertoriés. Cette appli sera votre meilleur ami durant le festival. Circulation et stationnement. Pour accueillir au mieux sur le temps du festival les centaines d'artistes et les milliers de spectateurs, des aménagements en matière de circulation et de stationnement seront mis en place. Pour faciliter vos déplacements, pensez au réseau de location de vélos électriques Cyclam. De leur côté, les TAC mettent en place plusieurs circuits de navettes gratuites. Info sur bustac.fr. Deux hauts lieux. Tout festivalier digne de ce nom déambulera sur la place Ducale et dans le village du FMTM, situé dans l'espace Lebon, place de l'église Saint-Rémy. Sur la place Ducale, on vous recommande jeudi 25 septembre, de 10h à 18h, l'installation, avec l'aide de centaines de bénévoles, d'une œuvre utopique et monumentale en carton. On la prévoit d'une hauteur atteignant les 20 mètres et d'un poids dépassant la tonne et demie. Côté village, vous retrouverez bar, restauration, scène ouverte, concert. On s'y pose en journée et on fait la fête le soir. Bon festival à toutes et à tous. Exposition d'art passant sur l'esplanade Roger Mas, qui contrôle qui ? On connaît tous le fameux paradoxe de l'œuf et de la poule. Lequel des deux est apparu en premier ? C'est une question tout aussi existentielle que pose l'exposition proposée jusqu'à la fin de l'année à l'esplanade Roger Mas. Entre la marionnette et le marionnettiste, au final, qui contrôle qui ? Pour y répondre, en toute connaissance de cause, vous pourrez vous laisser happer par les images captivantes de la photographe lettonne Agnès Zeltina. Cette exposition étant montée dans le cadre du focus sur les pays baltes du FMTM. Et quand vous penserez avoir percé leur secret, demandez-vous si, tout bien réfléchi, ce ne serait pas l'inverse. 4. Actualité. Scolarité, rentrée 2025, ce qu'il faut savoir pour bien commencer l'année. Travaux d'été dans les écoles, services périscolaires, démarches simplifiées. À Charleville-Mézières, la rentrée 2025 s'est déroulée sous le signe de l'efficacité et de la proximité. Petit tour d'horizon des nouveautés et des services utiles à connaître pour accompagner sereinement vos enfants tout au long de l'année scolaire. Avec 27 écoles ou groupes scolaires répartis sur le territoire communal, Charleville-Mézières accueille chaque jour plus de 3700 élèves, dont un tiers en maternelle et deux tiers en élémentaire. Derrière ces chiffres, toute une organisation municipale se mobilise pour garantir un cadre d'apprentissage de qualité aux enfants et un accompagnement adapté aux familles. Tour d'horizon des nouveautés, dispositifs et services pour bien vivre l'année scolaire 2025-2026. Comme chaque été, la ville a profité de la pause estivale pour entreprendre des travaux dans plusieurs établissements dans une démarche d'amélioration continue. À l'école des Hébions, le restaurant scolaire a été agrandi pour mieux répondre aux besoins des familles. À l'école Louis-Hanneau, une isolation thermique par l'extérieur et une ventilation double flux ont été mises en place, améliorant à la fois le confort intérieur et les performances énergétiques du bâtiment. Du côté de Mozart, les locaux ont été repensés pour accueillir la section maternelle. Enfin, à l'école Viennot, des travaux ont permis de renforcer l'étanchéité du toit du bâtiment élémentaire. Près de 1400 enfants déjeunent chaque jour dans les 24 restaurants scolaires municipaux. À Charleville-Mézières, la qualité des repas est une priorité. Une diététicienne élabore des menus conformes aux exigences nutritionnelles en vigueur, tout en veillant à la diversité, à la saisonnalité et à l'éveil au goût. La ville franchit également une nouvelle étape vers une restauration plus durable. Après une expérimentation réussie à l'école Citadelle, le tri des biodéchets est désormais généralisé à l'ensemble des écoles. Une avancée concrète pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. Avant et après la classe, la ville propose un accueil périscolaire encadré par près de 170 animateurs. Ces temps, dès 7h30 le matin, durant la pause méridienne et jusqu'à 18h ou 18h30 le soir, sur dérogation, sont conçus comme de véritables moments éducatifs. Jeux de société, activités manuelles, ateliers autour du livre, sport, chant, théâtre ou tout simplement temps calme, l'offre s'adapte aux envies et aux âges. Chaque école est suivie par un référent de secteur qui assure le bon déroulement de ces activités. Les familles peuvent y inscrire leurs enfants régulièrement ou ponctuellement. Pour offrir des loisirs structurés en dehors des périodes scolaires, la ville organise des accueils spécifiques les mercredis et pendant les vacances. Les mercredis, deux centres de loisirs fonctionnent dans les groupes scolaires Kennedy Jaurès et les Hébions. Pendant les vacances, les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à Marie-Thérèse Berger et les 7 à 14 ans au Château des Fées. Les accueils s'effectuent de 7h30 à 8h15 avec des départs échelonnés entre 16h30 et 17h, voire jusqu'à 17h45 sur dérogation. Plus d'informations par téléphone au 03 24 32 42 92 ou par mail à l'adresse perisco@mairie-charleville-mézières.fr. L'espace famille et l'ENT One, vos outils du quotidien. Pour simplifier le quotidien des parents, la ville propose un espace famille en ligne, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce portail permet d'effectuer, en quelques clics, toutes les démarches liées à la vie scolaire, cantine, garderie, paiement des factures, attestation, absence. Un outil pratique, également disponible sur smartphone via l'application CMZ Famille. Côté communication, l'ENT One déployé dans toutes les écoles facilite les échanges avec les enseignants, actualité de la classe, devoirs, projets ou messages. Cette plateforme sécurisée est le canal privilégié pour suivre le quotidien scolaire de son enfant en toute simplicité. Quelques infos pratiques pour bien accompagner la scolarité de vos enfants. L'espace famille CMZ, votre guichet unique en ligne. Simple, rapide, accessible 24 heures sur 24, l'espace famille CMZ permet de gérer les inscriptions à la cantine, garderie ou en centre de loisirs, les réservations et les annulations, le suivi des factures et les paiements, les justificatifs, les attestations, la consultation des activités et l'actualité scolaire. Pour accéder au portail, rendez-vous sur espace-citoyen-net. /CMZ. Pour gagner du temps au quotidien, téléchargez l'appli CMZ Famille sur votre smartphone. Disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store, elle vous permet de gérer en quelques clics les inscriptions, réservations, absences, factures, où que vous soyez. ENT One, pour rester connecté à la vie de l'école, devoirs, infos de la classe, messages avec les enseignants, pensez à télécharger l'application mobile One Pocket disponible sur Google Play et l'App Store. Contact utile, vos interlocuteurs. Voici les numéros à composer pour l'accueil des familles par tranche alphabétique du nom de famille des enfants. Pour les noms de A à CAR, composez le 03 24 32 42 98. CAS à FRA 03 24 32 42 92 FREALEC 03 24 32 42 93 LEDAPOL 03 24 32 45 16 et enfin POMAZ 03 24 32 42 94. Vous pouvez également vous informer à l'adresse mail perisco@mairie-charleville-mézières.fr. Autre service, pour la petite enfance, les crèches, de l'information peut être obtenue à l'adresse mail petiteenfance@mairie-charleville-mézières.fr ou par téléphone au 03 24 32 42 89. Pour les inscriptions scolaires, vous pouvez adresser un mail à l'adresse inscriptionsscolaires@mairie-charleville-mézières.fr ou appeler le 03 24 32 42 93. Pour la restauration scolaire, vous pouvez adresser un mail à restocol@mairie-charleville-mézières.fr ou appeler le 03 24 32 41 94. Voici le calendrier scolaire 2025-2026 pour la zone B. Les vacances de Toussaint se dérouleront du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2025. Le congé de Noël se déroulera du samedi 21 décembre 2025 au lundi 6 janvier 2026. Les vacances d'hiver du samedi 8 février au lundi 24 février 2026. Les vacances de printemps du samedi 5 avril au mardi 22 avril 2026. Enfin, les vacances d'été débuteront le samedi 5 juillet 2026. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de classe le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai 2026. À noter, pensez à signaler toute absence à la cantine ou à la garderie via l'espace famille. Les horaires d'accueil du soir peuvent être prolongés jusqu'à 18h30 sur dérogation. Suivez les informations de dernière minute, comme les fermetures exceptionnelles, les changements d'horaire ou les alertes météo, sur le site de la ville charleville-mézières.fr et bien sûr via le NT1 de l'école. Santé, extension des espaces sans tabac. Un décret paru en juin 2025 et destiné à dénormaliser le tabac étend les espaces sans tabac sur notre territoire. L'objectif de ce décret, réduire la présence du tabac dans l'espace public pour éviter qu'il soit perçu comme un comportement banal, notamment par les jeunes. Ces espaces sans tabac s'appliquent désormais aux transports collectifs, abribus et zones d'attente non couvertes, plages, parcs et jardins publics. Ils concernent aussi les espaces extérieurs des écoles, collèges, lycées, bibliothèques, équipements sportifs et structures accueillant des mineurs dans un rayon de 10 mètres aux heures d'ouverture. À noter que plus de la moitié des écoles carolo-massériennes avaient déjà mis en place des zones sans tabac autour de leurs établissements. À la prochaine rentrée, ces dispositions seront donc étendues à toutes les écoles. Enseignement. Les 16 et 17 septembre, bienvenue aux étudiants. À la rentrée 2025, la ville de Charleville-Mézières innove pour accueillir et intégrer au mieux les 3000 étudiants d'Ardennes Métropole. Une série d'activités ludiques et pédagogiques est prévue pour faciliter leur familiarisation avec le campus et la ville. Les festivités débuteront le mardi 16 septembre à 18h avec une découverte originale du campus. Au programme, jeux, quiz et visites guidées pour explorer les lieux clés comme le restaurant universitaire, le gymnase ou les services étudiants. La célébration se poursuivra le mercredi 17 avec une journée festive riche en événements. Rendez-vous dès 8h45 sur la place du Cal pour le départ en fanfare à 9h30 de l'incontournable Carolo Express, une exploration pédestre et ludique de la ville. Pour y participer, l'inscription est obligatoire sur le site charleville-mézières.fr. À 10h et 14h, la première édition de Mission MDC sur la place de l'Hôtel de Ville sera proposée. Au terme de la pause déjeuner, le site de Bayard accueillera le Carolo Warrior avec une série d'animations sportives en tout genre. Pour cette activité, il est également nécessaire de s'inscrire sur le site charleville-mézières.fr. Le grand final est prévu à 17h sur la place de l'Hôtel de Ville, suivi de la remise des récompenses. La journée s'achèvera à 18h par la remise des chéquiers étudiants, un coup de pouce précieux d'une valeur de 250 €, avec des réductions chez les commerçants locaux et les structures publiques. Ces initiatives proposées par la ville visent à faire de la rentrée 2025 une expérience mémorable et facilitante pour tous les nouveaux étudiants. Rénovation, la passerelle Bayard rouverte à la circulation. Inaugurée le 1er août dernier après une année de rénovation intensive, la passerelle Bayard, surnommée la passerelle bleue par les habitants, a retrouvé sa splendeur. Ce maillon essentiel de la voie verte des berges de Meuse, crucial pour les déplacements quotidiens des riverains, avait besoin d'une cure de jouvence. Les travaux, débutés en septembre 2024, visaient à moderniser l'ouvrage, à améliorer l'accessibilité pour tous, piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite, grâce à la création d'espaces dédiés, tout en ravivant son esthétique emblématique avec sa teinte bleue si caractéristique. À l'abri des regards indiscrets, le chantier s'est déroulé sous des bâches monumentales. L'intégralité de la structure métallique, affectée par la corrosion et la déformation, a été méticuleusement réparée. Le tablier a été entièrement remplacé et deux encorbellements de 1,60 m de large, chacun à sens unique pour l'ensemble des usagers non motorisés, ont été ajoutés. Ils sont dédiés exclusivement aux modes de transport doux et aux personnes à mobilité réduite. Le coût total des travaux, dont les études préalables comme le diagnostic ou les études géotechniques, s'élève à 3,7 millions d'euros, un investissement rendu possible grâce au soutien financier de nombreux partenaires à hauteur de 41%. La DREAL Grand Est, l'État et la communauté d'agglomération Ardennes Métropole. Pour le trafic motorisé, la passerelle maintient ses restrictions de 3,5 tonnes et 2,10 mètres en hauteur. Recrutement, une nouvelle plateforme pour simplifier l'accès à l'emploi public local. Dès septembre, Ardennes Métropole, la ville de Charleville-Mézières et le CCAS déploient une nouvelle plateforme en ligne pour simplifier le recrutement et améliorer l'accès aux offres d'emploi sur le territoire, recrutement.ardennes-métropole.fr. Ardennes Métropole, en lien avec la ville de Charleville-Mézières et le Centre communal d'action sociale, le CCAS, lance une plateforme de recrutement commune en ligne. Elle permettra aux candidats de consulter toutes les offres d'emploi disponibles, de postuler, de créer un espace personnel et de recevoir des alertes selon les critères de poste recherchés. En mutualisant cet outil entre l'agglomération, la ville et le CCAS, les collectivités souhaitent valoriser l'attractivité du territoire et les différents métiers de la fonction publique territoriale. Cette mutualisation permet également à la direction des ressources humaines de disposer d'un vivier de candidatures dynamiques et d'optimiser le traitement des dossiers. La plateforme est accessible à l'adresse recrutement.ardennes-métropole.fr est disponible en lien direct depuis les sites charleville-mézières.fr et sur ardennes-métropole.fr. Chat errant. Stérilisation, la bonne solution. Il serait près de 11 millions en France, soit, toute proportion gardée, plus de 7 000 dans notre ville. Ils, ce sont les chats errants, ces mignonnes boules de poils auxquelles il est si facile de s'attacher. Ce qui se traduit bien souvent par de la nourriture laissée devant nos portes. Mais de l'avis unanime des associations de protection animale, ce n'est pas la bonne solution. Sans même parler de leur propre bien-être, leur prolifération pose en effet des problèmes d'ordre sanitaire et met à mal la biodiversité. Depuis des années, avec le concours de la LISA et du Tipeee des chats, la ville mène donc une campagne de stérilisation. Ces deux associations capturent les chats et les conduisent chez le vétérinaire avant de les relâcher, la ville prenant en charge les frais d'opération. Si vous notez la présence de chats errants, contactez la LISA au 06 45 80 27 22 ou le Tipeee des chats au 06 77 95 43 55. frelons asiatiques, signaler les nids. La communauté d'agglomération Ardennes Métropole multiplie les initiatives pour enrayer la propagation du frelon asiatique, une espèce exotique envahissante qui présente de nombreux risques sur le plan sanitaire, environnemental et économique. Parmi les actions menées, l'aglo prend en charge 100% le coût de destruction des nids de frelons asiatiques découverts sur le territoire. Depuis l'an dernier, Ardennes Métropole a financé entièrement la destruction de près de 70 nids. Si vous découvrez un nid de frelons et suspectez qu'il s'agisse de frelons asiatiques, signalez le nid en mairie par téléphone au 03 24 32 40 90 ou par courriel à l'adresse gru@mairie-charleville-mézières.fr. Travaux, fermeture partielle de la rue Féroul les dimanches matins. Durant les travaux du magasin Netto, le marché hebdomadaire de la Ronde Couture est maintenu. Pour garantir la sécurité des commerçants et des visiteurs, la circulation ainsi que le stationnement seront interdits chaque dimanche matin entre 6h et 13h30 sur la portion de la rue Féroul comprise entre le numéro 1 à l'intersection avec l'avenue Carnot et le numéro 47 jusqu'à l'avenue du Muguet, ceci jusqu'au dimanche 12 octobre 2025 inclus. Les travaux de l'été ont permis de finaliser l'aménagement intérieur du magasin et de mettre aux normes le parking situé à l'avant. Ce dernier a été conçu pour être à la fois perméable à l'eau et végétalisé, offrant ainsi un cadre plus agréable tout en respectant l'environnement. Nature, un spectacle grandeur nature. Du 18 septembre au 9 octobre, le parc animalier de Charleville-Mézières vous convie à ses soirées Brame du Cerf, un rendez-vous unique avec le roi de la forêt en pleine parade amoureuse. Vous pourrez également découvrir la toute nouvelle boutique du parc. Participer à une soirée Brame du Cerf, c'est plonger dans la magie de l'automne. Le parc animalier de Charleville-Mézières vous propose d'assister à ce grand ballet amoureux les jeudis 18, mardi 23 et lundi 29 septembre, ainsi que les jeudis 2 et 9 octobre. Pour participer à cet événement en plein cœur du parc, inscrivez-vous en appelant le 03 24 57 39 84. Les soirées sont ouvertes à tous à partir de 8 ans. La participation est de 5 euros pour les plus de 12 ans. Rendez-vous est donné à 18h sur le parking du parc, habillé de vêtements chauds, discrets et de bottes, sans oublier une lampe de poche. La Fédération de chasse propose également des soirées brame au sein du parc animalier les jeudis 25 et mardi 30 septembre, ainsi que le mercredi 1er et le mardi 7 octobre. La découverte du brame est précédée d'une conférence et suivie d'un repas. Pour les réservations, appelez le 06 61 02 11 60. Le coût est de 30 euros par personne, 15 euros pour les moins de 12 ans. Une nouveauté, la boutique officielle du parc animalier a ouvert ses portes. Vous y retrouverez des souvenirs à l'effigie de la star du parc, Toto le sanglier, sac en tissu, souhaite, tasse ou encore aimant en bois. Jusqu'au 30 septembre, la boutique vous accueille du lundi au vendredi de 14h à 17h30 ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 18h30. À partir du 1er octobre, elle passera en horaires divers et sera ouverte chaque jour de 13h30 à 17h à l'exception du jeudi où elle restera fermée. Conservation, la ville aux petits soins pour son patrimoine. Entre le spectaculaire chantier de la basilique et l'efficace restauration des fortifications, le patrimoine massérien fait l'objet d'une attention soutenue mais méritée. Une colle pour débuter. Savez-vous quelle est la racine étymologique du nom Mézières? Le mot latin Maceriae signifie tout simplement muraille, ce qui en dit long sur l'importance et la longévité de ces dernières. Les fortifications en question font partie intégrante de l'identité de Mézières, ville frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, l'ancêtre de l'Allemagne. Tout Massérien qui se respecte connaît, presque sur le bout du doigt, l'histoire du piège de la forteresse de Mézières en 1521, défendue par une garnison à la tête de laquelle se trouvait un certain chevalier Bayard. Mais ces défenses devenues militairement inutiles, elles ont été abandonnées, négligées, voire parfois détruites, et ce n'est que récemment que la ville s'est donné les moyens de les remettre en valeur. Depuis 2014, ce sont en moyenne chaque année 50 000 euros qui sont investis dans la restauration des murailles de Mézières, soit 600 000 euros au total, avec des résultats concrets que tous les promeneurs peuvent apprécier, qu'ils soient ou pas férus d'histoire. Le prochain chantier, toujours confié à API, Ardennes Patrimoine Insertion, va concerner dès cet automne la portion de rempart située entre les tours Millard et de l'école, face à la salle Bayard. Petite particularité, l'échafaudage a les pieds dans l'eau des douves, mais pour le reste, les gestes demeurent les mêmes. Il s'agit d'éliminer la végétation qui fragilise la structure, puis de sonder chaque pierre au marteau une à une. Si elle sonne creux, on la remplace avant de refaire l'étanchéité. Un travail de Romain destiné à rendre à Mézières la splendeur que sa riche histoire mérite. À deux pas de la Tour du Roi, un autre chantier de restauration occupe l'espace, celui de la basilique. L'important échafaudage, déjà en place depuis quelque temps, est désormais entièrement déployé. Il va permettre cet automne de dénuder la charpente ainsi que la partie supérieure du clocher et d'y réaliser les travaux nécessaires. Ce chantier d'un montant proche de 3 millions d'euros bénéficie d'une souscription publique lancée avec la Fondation du patrimoine. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur le site fondation-patrimoine.org. La remise à la lumière des richesses patrimoniales mazériennes s'est également traduite début 2019 par le nettoyage complet de la façade de l'hôtel de ville. Plus récemment, ce sont les escaliers menant de la rue Monge à la place du château qui ont bénéficié d'une restauration bienvenue. En grimpant les marches, les promeneurs peuvent désormais se remémorer quelques-unes des principales dates de l'histoire de Mézières. 5. Rendez-vous. Culture, la saison 2025-2026 du théâtre. Laissez-vous porter par cette saison bulle de savon qui mêle théâtre, musique, marionnettes, cirque, danse, humour, magie. Au programme, une quarantaine de spectacles et plus de 80 représentations. Découvrez des spectacles grand format, poétiques, portés par des compagnies internationales comme Moya, de la compagnie sud-africaine Zip Zap Circus, et Bat Fado, mêlant danse et musique pour ressusciter le fado portugais. Rendez-vous sous chapiteau avec les Suédois de Circus I Love You, ou autour d'une table avec le Belge Hugo Deas pour l'innovant Moving Skin. Retrouvez des compagnies régionales, Les Animaux en Paradis avec Sark Hollande, comédie identitaire, le nouveau volet de la série théâtrale autour des présidents, Tendre et la nuit avec un diptyque sur l'adolescence. Retrouvez aussi la compagnie L'Oublié et Raphaël Boitel avec trois propositions inventives, Un contre un, La Bête noire et Petite Reine. Écoutez de la musique sous des formes variées, la chanson grâce à Calogero, Il, Pontex, la vitalité du jazz, le parcours érudit et décalé de l'histoire de la musique proposé par André Manoukian, vivez les sons en famille avec le festival Plein Sens, 100% famille, qui s'adresse aux petits comme aux grands, avec notamment Christian Olivier. Du rire au partage. Passez les portes du théâtre pour rire aux éclats avec la pièce primée et complètement déjantée Les gros patinent bien, l'humoriste Bérangère Krift, les comédies classiques ou revisitées telles que Le voyage de Monsieur Perrichon, Don Juan ou Le Menteur. Laissez-vous tenter par des pièces de théâtre puissantes comme France, entre théâtre, mime et bruitage, Balle de match, une histoire vraie autour du tennis et plus largement du sport féminin, Le chat, qui révèle la vie d'un collège ou encore Entrée des artistes, qui donne la parole à de jeunes comédiens. Participez car le partage est au cœur du projet du théâtre aux nombreuses actions artistiques et culturelles. Ateliers de pratique, stages de théâtre, apéritifs musicaux, bord de scène, expositions, projections. Nouveauté. Le TCM se modernise avec le lancement du site internet du théâtre et le changement de logiciel de billetterie pour faciliter le parcours du spectateur de l'information jusqu'à la réservation. Retrouvez désormais l'intégralité de la programmation et des actualités du TCM à l'adresse tcm.charleville-mézières.fr. La billetterie du TCM est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30, place du théâtre. Plus d'informations au 03 24 32 44 50 ou sur la billetterie en ligne sur tcm.charleville-mézières.fr. Grande manœuvre. Exercice urbain pour le 3e régiment. Du 8 au 11 septembre, les sapeurs carolo-massariens du 3e régiment mèneront un exercice de grande ampleur dans la ville. Au programme blindés, hélicoptères et tirs à blanc. Charleville-Mézières sera le théâtre d'un exercice militaire de grande envergure baptisé Ardennes 2025. Durant ces manœuvres, il sera possible de voir en ville des engins blindés ou d'entendre le bruit des tirs à blanc. Une appellation sobre pour un entraînement de grande ampleur puisqu'il mobilisera plus de 500 sapeurs, soutenus par une cinquantaine d'engins blindés, de commandement ou de transport et de multiples phases de combat en centre-ville. La rue du Moulin, la place du Cal, la place Nevers ou encore la rue du Bois-Crancé seront particulièrement concernés. L'exercice montera progressivement en intensité jusqu'à atteindre son apogée en début de matinée mercredi 10. Outre les sapeurs du 3e génie, Ardennes 2025 impliquera également le 152e régiment d'infanterie de Colmar, le 2e régiment de dragons de Fontevraud-l'Abbaye, spécialisé dans la lutte nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, le 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, le 3e régiment d'hélicoptères de combat d'Étain et des sapeurs du 4e bataillon du génie belge. Au-delà de sa dimension visible, cet exercice a pour objectif de préparer les militaires à des conditions de combat réalistes, de renforcer la coopération avec les alliés et d'accroître la montée en compétences des unités engagées. Porte ouverte du 3e régiment. À l'issue de cet exercice, le 3e génie convie tous les carolo-massariens à profiter de l'opération Portes ouvertes qu'il propose au Parc des Expos le week-end des 20 et 21 septembre. Au programme, démonstration dynamique, échange avec les sapeurs et espaces d'information qui permettront de resserrer encore les liens qui unissent ce régiment à la population carolo-massarienne. L'entrée est gratuite. Nouvelles des musées. Les arts de la marionnette. En cette année de festival, le musée de l'Ardenne met à l'honneur les arts de la marionnette à travers l'exposition de la scène au musée. Une décennie d'acquisitions présentées en accès libre. Plus d'une centaine de marionnettes de marionnettistes renommés comme François Lazaro, Jean-Pierre Lescott, Sylvie Haussmann et Greta Brugmann, Émilie Valentin sont présentées. Cette exposition en collaboration avec le Centre de documentation du Pôle international de la marionnette Jacques Félix permet tant de découvrir des pièces exceptionnelles, exposées pour la première fois pour certaines, que l'histoire des compagnies à l'origine de leur création. Cette exposition met en valeur les dernières acquisitions orientées vers la marionnette contemporaine, donne aussi l'occasion de comprendre les mécanismes de constitution d'une collection et d'entrevoir les prémices de la future maison du marionnettiste. Pendant le festival, ouverture exceptionnelle du musée de l'Ardenne, lundi 22 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Pour les activités gratuites, visite guidée samedi 20 septembre à 16h et atelier fabrique ta marionnette à partir de 5 ans, le mercredi 24 septembre à 10h30. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 32 44 60 ou allez sur muséart.fr. CCAS, seniors, participez à la Semaine Bleue. Rendez-vous du 6 au 10 octobre pour l'édition 2025 de la Semaine Bleue sur le thème « Vieillir, une force à partager ». Durant cette semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées, le pôle senior du CCAS proposera un programme d'animation varié en plus des services habituels mis en place à domicile et dans les clubs seniors. Une semaine pour bouger. Cette semaine d'animation gratuite commencera dès le lundi 6 octobre avec une marche nordique, une activité bonne pour le corps et la tête. Départ de la place du Cal à 9h30. Mardi 7 octobre, l'EHPAD de la Grande Terre proposera à ses résidents un karaoké, ambiance garantie. Rendez-vous au Square Cardo le mercredi 8 octobre à 15h pour un goûter qui permettra de redécouvrir le parc, la serre citoyenne et de bénéficier de conseils de jardinage. Et à la médiathèque Voyelle le jeudi 9 octobre pour la projection à 14h d'un film mystère. Enfin, vendredi 10 octobre, un repas dansant sera proposé aux adhérents des clubs seniors. Sur inscription au 03 24 32 45 34. Une exposition des œuvres réalisées par les seniors lors des ateliers peinture du club de Moncy-Saint-Pierre sera proposée au CCAS. Venez les découvrir tout au long de la semaine ou à l'occasion du vernissage qui se déroulera mardi 7 octobre à 17h30. Tout un programme pour bouger, découvrir, échanger, partager et se rencontrer. Des chèques cadeaux pour les seniors Carolo. La ville renouvelle son opération de distribution de chèques cadeaux à dépenser auprès des commerçants membres des vitrines de Charleville-Mézières, une initiative bonne pour le porte-monnaie des seniors et pour le commerce de proximité. Ces chèques cadeaux d'un montant total de 20 euros sont destinés aux seniors âgés de 65 ans et plus, sans condition de ressources, résidant à Charleville-Mézières et qui ne bénéficient pas déjà d'une prestation du CCAS dédiée aux seniors. Colis de Noël ou chèque cadeau attribué sous condition de ressources. Rendez-vous dans le Carolomag d'octobre pour connaître les dates de distribution. Noël des enfants et des seniors, pensez à vous inscrire. Vous n'êtes pas encore inscrit ? Vous pouvez encore le faire jusqu'au 30 septembre par courriel à aide@ccas-charleville-mézières.fr ou par courrier postal au CCAS 6 place de la préfecture ou encore directement sur place en prenant rendez-vous au 03 24 32 45 00. Cette inscription est soumise à des conditions d'éligibilité. Inclusion, la lecture partout et pour tous. Comme chaque année, le dispositif Charleville Lecture participe aux Journées nationales d'action contre l'illettrisme organisées par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ANLCI. Programme. Le mardi 9 septembre, l'association Handicap organisera dans ses locaux une action de sensibilisation autour des ouvrages accessibles à tous. Jeudi 11 septembre, découvrez l'art de la calligraphie avec l'association Lire malgré tout au sein de l'espace Ouillère Lecture. Le vendredi 12 septembre sera marqué par deux rendez-vous, des ateliers de lecture à destination des enfants du service pédiatrie de l'hôpital Manchester et un atelier de lecture de tableaux au musée de l'Ardenne pour les personnes accueillies au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Enfin, le lundi 15 septembre, les crèches municipales remettront aux familles des sacs de livres à emprunter. Par ailleurs, du 8 au 28 septembre, Manchester Lecture accueillera l'exposition « Les jeunes aussi sont concernés » réalisée par les usagers du point lecture. Plus d'informations au 03 24 32 40 35. Environnement. World Cleanup Day, un rendez-vous pour la planète. Le World Cleanup Day, ou Journée mondiale du nettoyage de la planète en français, se tiendra samedi 20 septembre. Le World Cleanup Day est une journée de mobilisation mondiale qui permet de fédérer de manière positive et festive des actions aux quatre coins de la planète. Le chef-lieu ardennais prendra part cette année au mouvement avec un ramassage qui s'effectuera par secteur de 9h à midi avec à 13h la pesée totale des déchets. 5 secteurs sont concernés. 5 points d'accueil seront mis en place à Manchester au niveau du lac de la Varenne, au parc Collignon pour la Houillère, à Mézières sur la place de l'Hôtel de Ville, en centre-ville au niveau de la base nautique de Jean Delautre et enfin à la Ronde Couture sur le site du campus. Des pinces, des seaux à mégots et autres sacs seront mis à disposition par la ville. Pensez à vous munir de gants personnels. Évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour dépasser les 253 kg de déchets collectés en 2024. Commerce. Marché Carolo à vos agendas. Les saveurs locales et les créations artisanales s'invitent en ville pour offrir aux curieux, gourmands et amateurs de marché de belles trouvailles. Les marchés de producteurs de pays vous attendent de 15h à 19h le vendredi 12 septembre, place du Cal, puis le vendredi 19 septembre, place de l'Hôtel de Ville. Une belle occasion de remplir votre panier de produits frais tout en échangeant avec ceux qui les cultivent et les préparent avec passion. Pour les amoureux de créations originales, le marché Petite Bulle de Créateurs vous attend le vendredi 12 octobre de 10h à 18h à la boutique sous la halle Place Nevers. Enfin, n'oublions pas nos marchés hebdomadaires de 8h à 13h Place Beauchard tous les dimanches, au marché couvert les mardis, jeudis et samedis, Place de l'Hôtel de Ville tous les mercredis et Place de Mohon tous les vendredis. Prenez soin de votre santé, faites-vous dépister. Du 22 au 26 septembre, de 11h à 15h, le CEGID, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, et l'association SOS Hépatite Éradication de l'hépatite C vous accueille à l'atelier Gourmande, situé aux 4 rue de Clèves, pour une campagne de dépistage gratuite. Profitez de cette occasion pour réaliser en toute confidentialité un dépistage de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Les tests proposés sont simples, rapides et accessibles à tous, par prise de sang et ou test rapide d'orientation diagnostique, TROD. Préservez votre santé et celle des autres, faites-vous dépister et protégez-vous. Culture, les journées européennes du patrimoine. Samedi 20 et dimanche 21 septembre, découvrez gratuitement le patrimoine architectural, marionnettique, poétique et naturel de notre ville à l'occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. Visites guidées, expositions à la découverte des arts de la marionnette et de l'art déco, dont c'est le 100e anniversaire cette année, sans oublier les incontournables visites des rotondes ferroviaires de Mouhon, de la préfecture, de la Tour du Roi et des jardins municipaux. Il y en a pour tous les goûts. Focus sur la basilique. Le chantier de restauration de la basilique Notre-Dame d'Espérance sera mis à l'honneur avec une visite guidée inédite à la lampe torche et un espace d'exposition aménagé au sein de la Massérienne. Vous y découvrirez le savoir-faire des tailleurs de pierre ainsi que des outils exceptionnellement prêtés par le musée de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes. Les secrets du chantier vous seront quant à eux dévoilés par la Fondation du patrimoine. À ne pas manquer. Plus d'informations au 03 24 32 44 60 et sur muséart.fr. Prévention. Octobre Rose, les rendez-vous à ne pas manquer. L'événement d'Octobre Rose permet, en plus de soutenir la recherche, de rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein. Notez dès à présent les premières dates à retenir. Vendredi 26 septembre, le Pink Casino revient au Parc des Expositions. Objectif, sensibiliser à travers le témoignage d'une représentante de l'association Jeunes et Roses et récolter des fonds lors d'une soirée festive sur le thème du casino. Mobilisez-vous. La traditionnelle journée sportive des Dragon Ladies 08 se déroulera le samedi 4 octobre de 10h à 18h à la base nautique Jean Delôtre. Durant cette journée d'information, toutes les femmes pourront profiter gratuitement de nombreuses animations sportives et de bien-être, dont une initiation au Dragon Boat. Pour les rejoindre, suivez le chemin des ballons roses depuis l'île du Vieux-Moulin jusqu'à la base nautique. La ville en rose. Comme chaque année, la ville se parera de rose. Les façades ainsi que les places ducales, de l'hôtel de ville et pour la première fois celle de Mouhon seront illuminées. Des décorations seront également installées dans les accueils administratifs. L'opération boîte rose de dons sera reconduite chez les commerçants partenaires. Retrouvez les autres événements de la deuxième quinzaine d'octobre dans le prochain Carolomag. Nouveauté cette année, dans la continuité d'Octobre Rose et en écho au mouvement Movember, un événement intitulé « Un temps pour lui » sera dédié à la santé masculine. Rendez-vous le 8 novembre sur l'île du Vieux-Moulin. La grande fête d'automne. Du 4 au 19 octobre, rendez-vous à la traditionnelle fête foraine au parc des expositions. Les attractions traditionnelles se mêleront au manège à sensations pour ravir petits et grands. Confiserie gourmande, stands de snacks, jeux d'adresse et trampolines viendront compléter le programme pour le plaisir de tous. Et cette année, une nouveauté pour les plus téméraires, l'Aurore Motel. Oserez-vous entrer dans cette maison de l'horreur? Ne manquez pas les temps forts. Le feu d'artifice vers 22h30, les samedis 4 et vendredi 10 octobre, la grande parade le mercredi 8 octobre, les journées à tarif réduit les mardis 7 et 14 ainsi que les mercredis 8 et 15 octobre à partir de 17h. Des forains au grand cœur. Cette année, la fête foraine rime avec solidarité. Le mardi 7 octobre, les forains rendront visite aux enfants hospitalisés à l'hôpital Manchester pour leur offrir peluches et friandises. Le jeudi 9 octobre, une après-midi sera dédiée aux enfants en situation de handicap pour leur offrir des instants de joie inoubliables. Que la fête commence! Science, 34e fête de la science. Pour sa 34e édition, la fête de la science proposera des animations sur la thématique intelligence du 3 au 13 octobre. La fête de la science, événement populaire qui célèbre le partage des sciences, est devenue un rendez-vous incontournable à Charleville-Mézières pour tous les publics. Familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences pourront échanger à l'occasion de manifestations gratuites. À l'heure du développement spectaculaire de l'intelligence artificielle, IA, l'orientation intelligence au pluriel invite à explorer toutes les formes d'intelligence et à repenser ce que signifie être intelligent au-delà des frontières humaines. Distinction entre intelligence humaine et IA, intelligence émotionnelle, capacité des plantes, prouesse des animaux. Pour y répondre et aborder aussi d'autres domaines, archéologie, astronomie, biodiversité, informatique, venez rencontrer les spécialistes de la culture scientifique qui vous invitent à échanger lors d'expositions, d'ateliers, de conférences, de visites et de spectacles organisés en différents points de la ville. MCL Ma Bohème, Médiathèque Voyelle et Campus Supardenne. L'entrée est libre, la réservation obligatoire pour les scolaires. Accédez au programme sur mclmabohème.com et fêtesdelascience.fr. Culture Nuit Blanche. Après l'effervescence du Festival mondial des théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières poursuivra son automne culturel avec une nouvelle édition de la Nuit Blanche. Le samedi 11 octobre de 18h à 1h du matin, la ville s'illuminera et se réinventera au fil d'un parcours artistique ouvert à tous. La place Ducale vibrera au rythme des flammes poétiques de la compagnie Carabos et sera métamorphosée en un paysage en mouvement. Le théâtre accueillera Nuit Noire, un concert dessiné qui plongera les spectateurs dans une odyssée musicale et visuelle. Dans les rues, installations lumineuses, sons, images et performances surprendront les promeneurs au détour d'un square ou d'une façade. Une nuit pour tous les publics. De l'univers féerique des marionnettes revisitant la petite fille aux allumettes, aux créations numériques interactives, des photographies de quartier, aux performances musicales et chorégraphiques, chacun trouvera son émerveillement. Les musées, ouverts exceptionnellement en nocturne, proposeront des expositions inédites et parcours festifs. Une expérience à partager. Gratuite et ouverte à tous, cette nuit blanche invite habitants et visiteurs à déambuler, à se laisser surprendre et à porter un regard nouveau sur leur ville. Une occasion unique de célébrer ensemble la créativité et la poésie de la ville. Retrouvez le programme sur charleville-mézières.fr. 6. Agenda. Septembre. Visite guidée. Beffroi de la mairie, vendredi 12 septembre à 14h30. Cœur de ville, le samedi 13 septembre à 15h30. Nouveauté, Mézières et la Massérienne, le samedi 13 septembre à 15h30. Pour la saison 2025, l'Office de tourisme Charleville-Sedan en Ardennes s'associe à l'association FLAP pour une découverte inédite et longuement attendue du public de touristes, mais aussi des locaux. Une fois par mois, avec les guides de l'Office, parcourez l'histoire de l'installation dans notre ville de l'un des fleurons industriels de la fin du XIXe siècle. Visite marionnettique avec deux artistes de l'ESNAM, les samedis 20 et 27, mardi 23 et mercredi 24 septembre à 10h. Pour la réservation des visites, vous pouvez vous rendre sur le site charleville-sedan-tourisme.fr ou appeler le 03 24 55 69 90 ou directement vous rendre à l'accueil de l'Office de tourisme 24 Place Ducale. Portes ouvertes des restos. À l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du centre Les Mésanges, situé 5-7 rue des Mésanges dans le quartier de la Ronde Couture, des portes ouvertes sont prévues le samedi 4 octobre matin afin d'accueillir les personnes souhaitant s'engager dans l'association. Une présentation générale des Restos du Cœur ainsi qu'un accueil personnalisé permettront aux nouveaux bénévoles de se positionner sur des missions ou des activités dans ce centre ou sur un autre lieu des restos. À la bibliothèque Porte-Neuve, située 8 place de la préfecture, un éveil musical est proposé le samedi 20 septembre à 10h30 et s'adresse aux enfants de 3 mois à 3 ans. Manchester Lecture, 24 rue Jules Rollin. Bébé Jim, le vendredi 12 septembre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Massage bébé, le mardi 16 septembre à 15h, de la naissance à 12 mois. Lire avec bébé, le mercredi 17 septembre à 9h, pour les petits, de la naissance à 3 ans. Atelier marionnette Sensea, jeudi 18 septembre à 14h30 pour les enfants de 6 mois à 3 ans et le lundi 22 septembre à 14h et 15h30 pour les petits de 1 mois à 8 mois. Motricité libre bébé marcheur le vendredi 19 septembre à 9h15, de la marche à 3 ans. Signe avec bébé vendredi 3 octobre à 9h15, de la naissance à 3 ans. Et enfin, massage bébé le mardi 7 octobre à 15h, de la naissance à 12 mois. Au Centre André d'Hôtel, 88 rue Albert Poulain, champ prénatal, mardi 16 septembre à 9h, du deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois suivant la naissance. Chanter, bouger, danser, mardi 16 septembre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Atelier marionnette là, le long. Jeudi 18 septembre à 9h30, de 6 mois à 3 ans. Atelier marionnette, marionnétique, vendredi 19 septembre à 9h et 10h30, de 6 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 24 septembre à 9h30, de la naissance à 3 ans. Motricité libre pour les bébés non marcheurs, vendredi 26 septembre à 9h15, de la naissance à la marche. Baby yoga, samedi 27 septembre à 9h30 et 10h30, de 3 à 18 mois. Snuzzelen, le lundi 29 septembre à 10h, de la naissance à 3 ans. Baby gym, vendredi 3 octobre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 8 octobre à 9h30, de la naissance à 3 ans. Plus d'informations par téléphone au 03 24 32 44 96 ou 03 24 32 41 71 ou encore par mail à l'adresse 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Du mardi 9 au lundi 15 septembre, Inclusion, journée nationale d'action contre l'illettrisme, à Charleville-Mézières par Charleville Lecture. Information au 03 24 32 40 35. Vendredi 12 septembre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place du Cal. Samedi 13 septembre de 9h30 à 13h, portes ouvertes du Conservatoire Musique et Danse, 10 rue Madame de Sévigné, info au 03 24 32 40 66. Samedi 13 septembre à 10h, journée festive, la Marcasserie, place de Moncy-Saint-Pierre. Samedi 13 septembre à 19h30, soirée Années 80, 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00 pour plus d'informations. Samedi 13 et dimanche 14 septembre de 9h à 19h, rando enduro, Transardennaise 2025 au Parc des Expositions par le Motoclub de Charleville-Mézières en Ardennes, le MCCMA, 32e randonnée de moto tout-terrain. Du samedi 13 septembre au vendredi 10 octobre, exposition, manifestation, Labo Sauvage, 49 rue du Moulin. Dimanche 14 septembre de 16 à 18h, initiation et démonstration de danse latine, place de l'Hôtel de Ville par El Exito. Mardi 16 et mercredi 17 septembre à 18h, vie étudiante, rentrée des étudiants, à Charleville-Mézières. Du mardi 16 au samedi 20 septembre de 10h à 17h, taille de pierre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine aux archives départementales des Ardennes du 16 au 19 et à la Massérienne le 20. Mercredi 17 septembre à 17h30, café d'œil au Seven Café par l'association Jalmalve. Il s'agit d'un lieu d'éclairage bienveillant pour parler de son deuil. L'entrée est libre. Vous pouvez obtenir plus d'informations en appelant le 03 24 54 26 26. Jeudi 18 septembre à 18h, Nature, soirée Brame du Cerf proposée par le parc animalier de Charleville-Mézières à partir de 8 ans. Plus d'informations au 03 24 57 39 84. Vendredi 19 septembre de 15h à 19h, un marché des producteurs de pays vous est proposé, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 19 jusqu'au dimanche 28 septembre, Festival mondial des théâtres de marionnettes. Samedi 20 septembre, de 9h à midi, environnement World Cleanup Day à Charleville-Mézières. Samedi 20 septembre, musée, visite guidée gratuite du musée de l'Ardenne, place du Cal. Plus d'informations par téléphone au 03 24 32 44 60 ou sur muséart.fr. Du samedi 20 au dimanche 21 septembre, Journées européennes du patrimoine au musée de l'Ardenne. Plus d'infos au 03 24 32 44 60. Samedi 20 et dimanche 21 septembre, portes ouvertes au 3e régiment du génie, parc des expositions, par le 3e régiment du génie. Dimanche 21 septembre à 16h, visite de l'orgue dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à la basilique Notre-Dame d'Espérance, en partenariat avec le service du patrimoine de la ville. Lundi 22 septembre à 9h30, musée, ouverture exceptionnelle du musée de l'Ardenne, place du Cal. Plus d'infos au 03 24 32 44 60 ou sur le site muséart.fr. Du lundi 22 au vendredi 26 septembre entre 11h et 15h, santé, campagne de dépistage, atelier gourmande, organisé par le CEGID SOS Hépatite. Mardi 23 septembre à 18h, nature, soirée Brame du Cerf. Cette activité se déroule au parc animalier de Charleville-Mézières et s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 03 24 57 39 84. Mercredi 24 septembre à 10h30, musée atelier fabrique ta marionnette au musée de l'Ardenne pour les enfants à partir de 5 ans. Pour plus d'informations, composez le 03 24 32 44 60 ou rendez-vous sur le site muséart.fr. Jeudi 25 septembre, nature, soirée Brame du Cerf au parc animalier de Charleville-Mézières pour les enfants à partir de 8 ans. Plus d'infos au 03 24 57 39 84. Le vendredi 26 septembre à 19h, soirée Pink Casino au parc des expositions par Rich Conseil dans le cadre d'Octobre Rose. Attention, il est obligatoire de réserver. Lundi 29 septembre à 17h, atelier Qigong organisé par le MCL Ma Bohème. Inscription au 03 24 57 39 84 ou par mail à l'adresse alzheimer08@orange.fr. Lundi 29 et mardi 30 septembre à 18h, nature, soirée Brame du Cerf au parc animalier de Charleville-Mézières pour les enfants à partir de 8 ans. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 57 39 84. Octobre. Mercredi 1er octobre de 20h à 21h45, conférence André Manoukian au TCM. La conférence s'adresse aux enfants à partir de 12 ans. La réservation est obligatoire, soit par téléphone au 03 24 32 44 50 ou sur le site tcm.charleville-mézières.fr. Jeudi 2 octobre à 18h, nature, soirée Brame du Cerf, au parc animalier de Charleville-Mézières, pour les enfants à partir de 8 ans, information au 03 24 57 39 84. Vendredi 3 octobre à 20h30, théâtre, les hommes se cachent pour mentir, 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Du vendredi 3 au lundi 13 octobre, découverte, 34e fête de la science de Charleville-Mézières. Plus d'infos sur mclmabohème.com. Samedi 4 octobre, de 10h à 18h, journée féminine sportive. Au Mont Olympe, par les Dragon Ladies. Plus d'infos au 03 24 59 31 39 ou par mail à l'adresse cmck08@9business.fr et sur Facebook Dragon Ladies 08, la page officielle. Samedi 4 octobre, la matinée sociale, portes ouvertes des Restos du Cœur, 5-7 rue des Mésanges, par la ville de Charleville-Mézières. Du samedi 4 au dimanche 19 octobre, loisirs, fête foraine d'automne au parc des expositions. Dimanche 5 octobre à 13h, sport, 105e édition du Sedan Charleville, Sedan courir en Ardennes et Facebook courir en Ardennes. Du lundi 6 au vendredi 10 octobre, Senior, semaine bleue de Charleville-Mézières, organisée par le CCAS. Plus d'infos au 03 24 32 45 00. Mardi 7 octobre à 18h, Nature, soirée Brame du Cerf au parc animalier de Charleville-Mézières pour les enfants à partir de 8 ans. Plus d'informations au 03 24 57 39 84. Mercredi 8 octobre, de 20h à 20h55, danse, Maldonne, au TCM par Laila K. La réservation est obligatoire, cette activité s'adresse aux enfants à partir de 12 ans. Vous pouvez contacter le 03 24 32 44 50 ou rendez-vous sur le site à l'adresse tcm.charleville-mézières.fr. Jeudi 9 octobre, à 18h, Nature, soirée Brame du Cerf, au parc animalier de Charleville-Mézières pour les enfants à partir de 8 ans. Plus d'informations au 03 24 57 39 84. Samedi 11 octobre, de 18h à 1h, Art, Nuit Blanche de Charleville-Mézières, organisée par la ville de Charleville. Plus d'informations par téléphone au 03 24 32 44 80. Ou sur le site de la ville à l'adresse charleville-mézières.fr. 7. Sport. Basket. Les Flammes lancent une nouvelle saison pleine de promesses. Après une saison historique marquée par un sacre en Coupe de France et une qualification prestigieuse pour l'Euroleague, les Flammes s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Cette reprise a forcément un goût particulier puisque l'icône du club, Amel Boudra, a arrangé ses baskets après 18 ans d'une carrière exemplaire pour embrasser un nouveau rôle de directrice sportive. Sur le parquet, seules trois héroïnes du titre glané en avril dernier poursuivent l'aventure. Colline Franchelin, Noémie Brochamp et Tiffany Clark. Autour d'elles, pas moins de 7 nouvelles recrues devront rapidement créer une alchimie pour relever les nouveaux défis qui s'annoncent. À commencer par le retour en Euroleague. Le style de jeu des Flammes restera fidèle à leur ADN. Énergie, panache et générosité, des valeurs qui résonnent avec le territoire et qui rassemblent toutes celles et ceux qui vibrent pour le club. Un premier titre en ligne de mire. Vous avez aimé l'épopée à Bercy ? Le premier rendez-vous de la saison promet de nouvelles émotions. Les Flammes disputeront le prestigieux match des champions 2025 face à Basketland, championne de France en titre. Coup d'envoi le samedi 27 septembre à 19h30 au Palais des Sports de Nanterre. Pour l'occasion, le club met en vente un package spécial supporter décliné en deux formules, disponible exclusivement sur lesflammes.com. Une opportunité unique de lancer la saison en beauté aux côtés de votre équipe. Un calendrier à ne pas manquer. L'agenda des Flammes pour la saison 2025-2026 est désormais disponible dans son intégralité sur le site officiel du club. Le premier rendez-vous à domicile est fixé au mercredi 1er octobre à la Guinguette Arena avec la réception de Montpellier. Que vous soyez passionné de longue date ou nouveau venu dans l'univers des Flammes, une chose est sûre, cette saison s'annonce intense, vibrante et pleine de promesses. Football. Charleville prie prêt pour une belle saison. Doté d'un nouveau président, Michael Magnier, d'un coach qui a réussi à maintenir Saint-Quentin en N3 lors du premier semestre 2025, Guillaume Richard, et d'un gardien de début de légende, Ludovic Butel, plus de 500 matchs disputés en Ligue 1 en France et à l'étranger et qui a connu la Ligue des Champions, l'OCPAM a affiché ses ambitions. Il faudra donc compter sur les Carolo dans le cadre de la course à l'accession à la N2. Une bonne nouvelle pour le stade mythique du Petit Bois qui ne demande qu'à s'enflammer. Prochain match au stade du Petit Bois, dimanche 21 septembre à 15h, où l'OCPAM B rencontrera Plantières, match de R2. Et samedi 4 octobre à 18h, où l'OCPAM rencontrera Drancy, match de N3. Plus d'informations sur la page Facebook Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole. Course sur route. 105e édition du Sedan Charleville. Ils étaient 2800 à rejoindre l'arrivée en 2024. Jean-Pierre Durin, président du Courir en Ardennes, espère qu'ils seront plus de 3000 ce dimanche 5 octobre. À la mi-août, nous étions en avance sur les inscriptions, ce qui laisse augurer un bon millésime. Il ne reste plus qu'à bénéficier d'une météo clémente, précise Jean-Pierre Durin, qui souhaite mettre l'accent cette année sur l'épreuve handisport. Du côté des Foulées Roses, engouement similaire avec 1300 participants l'an dernier et probablement plus de 1500 cette année. Une édition éco-responsable. Le village associatif prendra ses quartiers Place Nevers. Un train spécial sera chargé d'emmener les coureurs à Sedan. Des zones de propreté vont être créées près des points de ravitaillement. Un partenariat mis en place avec l'association Les Petits Bouchons permettra de récupérer les déchets plastiques et les bouchons des bouteilles d'eau. Enfin, un t-shirt collector a été conçu en matière éco-recyclée. Les inscriptions se font sur le site ledossard.com. 78e édition du Prix de Mézières. Redynamisé l'an passé par un nouveau parcours de près de 3,4 km, une boucle à effectuer trois fois, dessiné autour du site du Cabaret Vert, le Prix de Mézières ne change pas de recette. Le départ est prévu à 10h le dimanche 14 septembre devant la salle Bayard. Attention, les engagements sont limités à 249 coureurs. L'an passé, ils avaient été 200 à rejoindre l'arrivée. Course ouverte à partir des cadets. Le record à battre, 31 minutes 13 secondes, d'Hugo Ranvé, et 38 minutes 40, record de Camille Bucchiotti. Les inscriptions se font sur le site ledossard.com. Agenda sportif. Tennis de table. Le samedi 13 septembre à 16h, salle Bestel, match de National 1. Le CMAT 1 rencontre Nantes-Saint-Médard-Doulon 1. Match de National 3 messieurs. CMAT 2 rencontre Boulogne-sur-Mer 1. Match de National 2 dames. CMAT 1 rencontre l'Entente Quevilly et Trépanie. Match de pré-national poule 3. CMAT 3 rencontre Vesoul 2. Match de pré-national poule 1. CMAT 4 rencontre Romilly-sur-Seine 1. Match Grand Est 1. CMAT 5 rencontre Carignan 1. Match Grand Est 3. CMAT 6 rencontre l'ASPTT Reims 3. Enfin, match du Grand Est 4, CMAT 7 rencontre Tagnon 3. Basket masculin. Mercredi 1er octobre à 20h à la Guinguette Arena, Wonder League, J1, FCBA rencontre Montpellier. Samedi 11 octobre à 20h à la Guinguette Arena, match de Wonder League J3, FCBA rencontre Bourges. Basket féminin. Vendredi 12 ou samedi 13 septembre à 20h à la Guinguette Arena, match de Coupe de France premier tour, l'Étoile rencontre Metz. Vendredi 26 septembre à 20h à la Guinguette Arena, championnat de N1, J2, l'Étoile rencontre Boulogne. Mardi 30 septembre à 20h à la Guinguette Arena, championnat N1, J3, l'Étoile rencontre le SCAB. Et enfin, vendredi 3 octobre à 20h, toujours à la Guinguette Arena, match de championnat N1, J4, l'Étoile rencontre Mulhouse. Rugby. Dimanche 28 septembre à partir de 13h au complexe de la Varenne, match de R2 Grand Est, Ardennes Rugby rencontre Tigre, équipe réserve puis équipe A. 8. Histoire. Éducation, la fondation d'un lycée de jeunes filles à Charleville, le lycée Sévigné, 1883-1888. Le 11 février 1888, le conseil municipal de Charleville choisit à l'unanimité le nom de Madame de Sévigné proposé par le conseiller Ernest Louis pour le nouveau lycée de jeunes filles de la ville. Avec le vote de la loi Camille C, le 21 décembre 1880, les Républicains ouvrent l'enseignement secondaire aux jeunes filles. L'objectif est d'abord politique. Il s'agit de convertir aux idées républicaines les femmes dont l'influence dans les couples et les familles est largement admise dans un contexte social et politique marqué par l'anticléricalisme du gouvernement Ferry. Un premier lycée de ce type ouvre ses portes à Montpellier en 1882. Le 27 août 1883, un décret du président Jules Grévy autorise la fondation d'un lycée pour filles à Charleville. Cependant, avant que le lycée Sévigné n'ouvre ses portes en 1888, quels défis durent être surmontés durant les 5 années de sa fondation? La construction est initialement prévue avenue Forest sur le site d'un ancien cimetière. Des expropriations devaient permettre l'acquisition d'un terrain de 84 ars et 71 centiares. Toutefois, dès le 20 janvier 1885, le ministère de l'Instruction publique rejette ce projet pour des raisons d'hygiène. C'est le 3 mars 1885 que l'emplacement actuel, boulevard Gambetta, proposé par la municipalité, est retenu. Ce changement de site alourdit le coût de la construction de l'établissement. D'un budget prévisionnel de 797 922 francs, on passe à un coût estimé en février 1886 à plus d'1 million de francs. Durant l'année 1885, la construction du lycée suscite d'ailleurs des polémiques au sein de la population. D'aucuns estiment que si toute la population doit supporter les frais de la construction, l'accès au lycée ne bénéficiera qu'à quelques familles privilégiées. Le 28 mars 1885, une liste de 176 opposants à la construction du lycée est déposée en mairie, suivie d'une seconde pétition de 49 noms. Quoi qu'il en soit, les plans sont approuvés par le Conseil d'État, directeur de l'enseignement secondaire, le 20 septembre 1885. La construction du lycée est cofinancée par l'État, qui prend en charge 489 677 francs. Le reste du million de francs nécessaire est assumé par la municipalité, qui emprunte 515 000 francs à la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires en septembre 1886. Les travaux commencent le 13 novembre 1886 avec l'abattage des arbres sur le terrain retenu. En janvier 1887, débute le terrassement. La couverture des bâtiments est achevée le 20 octobre 1887. Le 5 août 1888, le conseil municipal vote l'achat de l'horloge placée en façade du lycée pour 2000 francs. Le lycée est livré le 17 septembre 1888. Au total, les travaux auront duré 655 jours, mais en réalité seulement 433 jours de travail effectif, soit 14 mois. En effet, les embûches n'ont pas manqué durant cette période. Outre le mauvais temps qui perturba pendant 222 jours l'avancée du chantier, le maître d'œuvre dut faire face à de nombreuses difficultés. En premier lieu, le mécontentement des carriers. Prévu à l'origine pour être bâti en pierre de Soissons, les carriers des Ayvelles, de Dons-le-Mesnil et de Feuchères plaident pour une édification du lycée en pierre de Dons-le-Mesnil afin de faire fonctionner l'économie locale, de réduire le coût des matériaux et de se conformer à l'habitude de construire les édifices et monuments de Charleville avec cette pierre. Ils obtiennent gain de cause. La seconde difficulté mentionnée dans les sources est le manque de maçons. 5 au lieu des 15 prévus en 1887, ce qui occasionne aussi du retard dans l'avancée des travaux. Enfin, même après la remise du lycée, une malfaçon dans la construction des cheminées est constatée en novembre 1888, ce qui oblige l'administration à couper le chauffage en attendant une remise aux normes de sécurité par crainte d'un incendie. En décembre, la loge du concierge doit être réaménagée car, selon le registre des délibérations du conseil municipal, il est impossible au concierge de contrôler les entrées et les sorties du lycée. Le lycée Sévigné est pourvu dès l'origine d'un internat, ce qui complique singulièrement la gestion de l'établissement. Tandis que la partie externa est gérée par l'État, sous la responsabilité d'une directrice, l'internat relève quant à lui de la municipalité. Il est placé sous le contrôle d'une directrice adjointe qui n'est pas fonctionnaire mais employée par la mairie, la directrice n'y exerçant qu'une autorité morale. L'économe, pour sa part, est appointé à 50% de son salaire par l'État et l'autre moitié par la municipalité. Ainsi, les frais de chauffage sont assumés à 2/3 par l'externat et 1/3 par l'internat. L'académie de Douai, dont dépend le lycée, a fixé la rentrée des classes à la première semaine d'octobre 1888. Cependant, dès avril 1888, un prospectus est distribué en ville pour favoriser le recrutement d'élèves. La signature du prospectus est d'ailleurs une autre occasion de conflit entre la mairie et le lycée. C'est en août 1888 que l'équipe du personnel de l'externat, la partie lycée proprement dite, est constituée avec une directrice participant à l'enseignement, 2 maîtresses de sciences, 2 maîtresses de lettres, une maîtresse d'allemand, 3 institutrices de primaire et 3 maîtresses répétitrices. Par manque de professeurs de dessin, l'Académie envisage le recours à une contractuelle diplômée du certificat d'études. Un cours d'instruction religieuse est aussi prévu à la demande de la municipalité et des familles des élèves. Finalement, le lycée ouvre en octobre 1888 avec 3 classes primaires et 4 années secondaires, une 5e étant même envisagée. Le 14 septembre 1888, la première directrice du lycée est nommée. Il s'agit de Mademoiselle Martelière, une ancienne élève de l'ENS de Sèvres, alors en poste à Abbeville, dans la Somme. Le 10 octobre 1888, le lycée connaissait la première d'une longue série de rentrées scolaires. Cet article est signé Philippe Moyen de la Société d'Histoire des Ardennes. Éric Pfaff, actuel proviseur du lycée Sévigné. Tout au long des 20e et 21e siècles, le lycée Sévigné a poursuivi sa modernisation. En 1967, à la suite d'un incendie qui ravagea l'un des bâtiments d'origine, un nouvel espace de cours a été érigé. En 2008, c'est une aile dédiée à l'enseignement scientifique qui a vu le jour. Dans un souci de préservation du patrimoine, l'horloge historique, qui ne fonctionnait plus depuis des décennies, a été restaurée en 2024 avec un système radio-piloté, rythmant ainsi de nouveau la vie du lycée. La même année, la cour d'honneur a été rénovée et les murs et grilles anciennes du boulevard Gambetta feront bientôt peau neuve lors d'une prochaine restauration. La cour de l'externat, qui avait vu ces dernières décennies la disparition progressive d'une grande partie de ses arbres, s'embellit de nouveau grâce à un projet de végétalisation sur plusieurs années en partenariat avec le lycée Saint-Laurent. Avec près de 1000 élèves et étudiants aujourd'hui, l'ouverture de formations en phase avec les besoins du territoire, à l'instar du DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique en 2024, en partenariat avec le Centre hospitalier de Charleville, le lycée Sévigné poursuit sa lente évolution, alliant la tradition d'un enseignement exigeant et porteur de valeurs humanistes avec la dynamique et la modernité de ses très nombreux projets tournés vers l'avenir. 9. Expression politique. Le premier des droits, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Le premier des droits des citoyens que nous sommes est corrélativement le premier devoir de la République à notre égard et celui de nous protéger, de garantir notre sécurité, d'assurer la préservation des nôtres et de nos biens. C'est l'une des missions essentielles de l'État qui dispose pour ce faire de forces de police ou de gendarmerie considérables et de services judiciaires pour enquêter, juger et punir les délinquants qui enfreignent les lois, s'en prennent à leurs concitoyens ou menacent l'ordre public. C'est une mission tellement essentielle que nous avons décidé, au niveau municipal, de muscler notre politique de sécurité, et ce depuis le premier jour de mon premier mandat. Au-delà des 130 caméras installées et du doublement des effectifs de la police municipale, notre état d'esprit est toujours d'assumer notre devoir en matière de sécurité. C'est exactement ce que nous avons fait à la mi-juillet à La Houillère. Après une vague d'actes de vandalisme, j'ai pris la décision de faire murer un débit de boissons notoirement connu pour servir de quartier général aux dealers qui tentent de gangréner ce quartier. Tout en respectant le cadre des lois de la République, j'ai donc sciemment piétiné leur plate-bande, prenant une initiative à laquelle ces voyous ne s'attendaient visiblement pas. On connaît la suite avec, dans les heures qui ont suivi, des tentatives d'agression physique entraînant le déploiement d'un important dispositif policier. Ce degré de violence, jusqu'alors inédit, montre que nous avons frappé là où ça fait mal, et je m'en félicite. Garantir la sécurité partout et pour tous n'est pas une mince affaire. Pour y parvenir, il nous faut jouer simultanément sur tous les leviers. Il y a bien sûr l'action des forces de l'ordre, qu'elles dépendent de l'État ou des collectivités locales comme la nôtre, mais nous devons aussi rappeler à certains parents défaillants la notion de responsabilité parentale. Nous ne manquons pas de le faire dans le cadre d'un conseil des droits et des devoirs des familles que je préside chaque fois que nécessaire. Tout comme nous nous sommes donné les moyens avec la CAF de lutter efficacement contre l'absentéisme scolaire. Nous rechercherons la responsabilité des parents qui laissent leurs enfants traîner dans les rues au lieu d'être en classe. Ce n'est que par l'action collective que nous pourrons garantir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'attendent les Français et les carolo-mazariens. Un préfet s'en va, les problèmes restent. Par Sylvain Dallarosa, pour la liste Une ville pour tous. La valse des préfets touche à nouveau notre département. Depuis le 25 août, Alain Buquet, préfet des Ardennes depuis 4 ans, a quitté son poste pour une autre destination. Dans une longue interview, il redit tout le bien qu'il pense du département des Ardennes. Sauf que son bilan est loin d'être idyllique. Le taux de chômage est toujours aussi élevé et la désindustrialisation continue ses ravages. Ou alors, la SAM. Comme nombre d'élus de droite, il met dans son bilan l'implantation du groupe Hermès. C'est l'arbre qui cache la forêt. Malgré plusieurs interpellations, rien ne transpire sur le sort qui sera réservé à l'usine Stellantis, la première entreprise de Champagne-Ardenne qui fabrique des pièces automobiles. Située aux Ayvelles, elle devra adapter son avenir aux changements de production automobile avec quelles conséquences sur l'emploi. Rien également sur la cure d'austérité qui touche les collectivités locales et territoriales. Pas un mot sur la précarité financière qui frappe le conseil départemental. Autrement dit, le préfet qui s'en va ne laissera pas un bilan exceptionnel de son passage dans notre département. Cette passation de pouvoir au niveau préfectoral se fera dans un contexte où le gouvernement envisage une réforme des pouvoirs des préfets. Le Premier ministre annonce l'installation d'un État fort au niveau local. Avec cette réforme, à défaut de répondre aux besoins locaux, les préfets auront une responsabilité renforcée pour intervenir dans tous les domaines, comme le propose François Bayrou. Cette réforme devrait être débattue à partir de septembre. Ce débat, à l'initiative du gouvernement, risque de se dérouler dans une discrétion totale. L'objectif, c'est de mettre les collectivités sous tutelle de l'État. Belle rentrée, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Entre le Cabaret Vert et le Festival mondial des théâtres de marionnettes, les deux plus grands festivals du Grand Est, notre ville montre en cette fin d'été son rayonnement et son ouverture au monde. Pourtant, en cette rentrée scolaire, le maire de Charleville-Mézières ternit l'image de la ville en voulant croiser les fichiers de la CAF recensant les parents touchant des allocations familiales et ceux des établissements scolaires pour vérifier si les enfants sont bien inscrits et présents à l'école. Le conseil municipal de juin a ainsi entériné la signature d'une convention entre la ville et la caisse d'allocations familiales qui permettra à la mairie de recevoir une liste complète des enfants scolarisables transmise par la CAF. Une enquête serait menée auprès des écoles privées, des collèges et du conseil départemental. En cas de manquement constaté, des actions seraient menées auprès des familles pour les rappeler à leurs obligations. Si des cas d'absentéisme étaient constatés, la CAF en serait informée et la justice saisie. Deux villes en France ont montré la voie, Narbonne et Béziers. Béziers, dont le maire d'extrême droite, Robert Ménard, est célèbre pour multiplier les rodomontades et les provocations. Celui-ci dit vouloir supprimer les allocations familiales des familles des enfants trop absents à l'école. En fait, interrogé par mes soins lors du dernier conseil municipal sur les moyens humains mobilisés pour mener à bien ces contrôles, le maire a montré qu'il n'avait pas prévu en pratique la mise en œuvre de la mesure. En fait, ces annonces visent surtout à stigmatiser une partie de la population de la ville, celle des quartiers, ce qui est inadmissible. Notre ville mérite mieux que ces annonces marquées par un cynisme préélectoral.